Ça, c'est le type histologique. D'accord. Les os longs, courts et plats. Les os plats, longs et courts. L'exemple des os plats, quoi? L'omoplate, scapula. L'omoplate, les os du crâne. Soit la scapula ou bien l'omoplate. Scapula, nouvelle nomenclature. D'accord. Les os du crâne. Les os courts. Les os courts. Les os courts. Le sternum. Les os plats. Vous avez le crâne, l'omoplate. Ils n'ont pas de fonction locomotrice. L'autre caractéristique, consolidation spontanée. Pourquoi? Pourquoi les os plats consolident spontanément? Eh bien, d'après quel espace? Les sédules. Ça, c'est pour le crâne, pour l'omoplate. Il n'y a pas de sédules. Sans plus mobile. Parce qu'à plus là, il est mobile. Il n'est pas immobile. On a une autre option. Donne appui à d'autres surfaces articulaires. Et pourquoi elle consolide ces os? Ces os-plats consolident bien. La composition. Quelle composition? L'activité des ostéoblastes. Les ostéoblastes. Hey. Ostéoblastes, ostéoblastes, ce que vous voulez. Là, la blague. Hein? Les ostéoblastes. Est-ce que la consolidation, d'abord, elle fait intervenir seulement les ostéoblastes ou bien? Non, les deux. Les deux. Les deux, mais... Parce qu'il y a une activité de... Tout simplement parce qu'il y a beaucoup d'insertions musculaires au niveau de ces os. Et si vous parlez d'insertions musculaires, cela veut dire qu'ils sont bien vascularisés. D'accord? Parce que vous... Peut-être le crâne, il n'y a pas de, beaucoup de muscles, mais il est très vascularisé. Parce que vous avez déjà vu une plaie du scalp, du crâne. Elle saigne énormément. Oui. Cela signifie qu'elle est très vascularisée. Donc, la vascularisation est abondante. Parce que pour avoir une consolidation, il faut avoir une bonne vascularisation. Si la vascularisation elle est précaire, elle est mauvaise, le risque de pseudarthrose il est très important. C'est quoi une pseudarthrose? À chaque fois, si je prononce un mot que vous ne nous compreniez pas, il faut m'arrêter. Une atteinte structure. Non. Consolidation ne se fait pas. Ne se fait pas. Pendant une durée de séjour. D'accord. Donc, c'est l'absence de consolidation. Dans les délais. Après 6 mois, ça dépend. Parce que 6 mois, c'est pour les hommes. Dans les délais habituels, parce que si tu prends une fracture d'un os spongeux, une région métaphysaire, on ne va pas attendre 6 mois. Normalement, au bout de 6 semaines, elle est consolidée. D'accord. Donc, ces os-là, on a dit qu'ils consolident bien. Les os courts, vous avez les os du cas, du tarse et les vertèbres. La caractéristique de ces os courts, c'est qu'ils portent beaucoup de surface articulaire. Il y a certains même qui sont pratiquement tout couverts de cartilage articulaire. Donc, ce qui dit qu'ils portent plusieurs surfaces articulaires, pour avoir une mobilité articulaire normale, il faut restaurer une anatomie normale. C'est pour ça que l'intégrité de ces os est indispensable pour avoir une bonne mobilité articulaire. Parce que si on a une fracture articulaire avec ce qu'on appelle une marche discale, donc un décalage entre les deux fragments, ça donne l'aspect d'une marche discale. Donc l'articulation ne sera pas mobile comme auparavant. Et ces os sont formés d'os spongeux compacts qui est couvert de corticales qui sont solides. Les os, non? L'exemple, c'est quoi? Fémur, humérus, tibia, la fibula, le radius et l'ulna. Donc, ces os-là, quels sont les segments qu'on va avoir au niveau de chaque segment? Le corps, diaphyse, épiphyse, métaphyse, diaphyse, métaphyse, et épiphyse. Donc, vous avez la diaphyse au milieu. Et en périphérie, la métaphyse et les métaphyses plutôt et les épiphyses. Donc, ça, c'est un exemple d'os lent avec une coupe transversale. Vous avez les corticales et au milieu, ce qu'on appelle le canal médulaire. Le canal médulaire. Et c'est à quoi ce canal médulaire? Vascularisation de l'os. Quel type de vascularisation? Type terminal. Est-ce que vous savez c'est quoi une vascularisation de type terminal? C'est quoi une vascularisation de type terminal? Plein de capillaires. Qui dit mieux? Les autres, est-ce que vous êtes d'accord que la vascularisation type terminal, c'est quoi? Est-ce que, par exemple, au niveau du fémur, la vascularisation endomédulaire, donc dans le canal médulaire, est de type terminal? Non, pourquoi? Quelle serait votre définition pour une vascularisation de type terminal? On parle de vascularisation de type terminal lorsqu'il n'y a pas d'anastomose. Donc, le courant vasculaire arrive d'un seul sens. Une fois ce vaisseau est interrompu, cette zone est prévue de vascularisation. D'accord? Par contre, au niveau de la vascularisation médulaire, elle n'est pas de type terminal. D'accord? Le cœur. Je parle en entropie, je ne sais pas le faire, il est au bout de moi. La vascularisation du scaphoïde, du pôle proximal, elle est de type terminal. La vascularisation du col fémoral, elle est de type terminal. D'accord? Bon. On n'a pas très bien compris. Vous n'avez pas bien compris. Je vais vous donner, par exemple, disons que ça, c'est un os. Et ça, c'est les vaisseaux. D'accord? Ici, j'ai deux parties vasculaires. Donc, disons artères. Les deux, des artères. Avec des artères avec des mains. Donc, comme ça. Si je coupe la vascularisation de ce côté, est-ce que c'est lié par celui-là? Parce qu'ici, il y a des petites anastomoses entre les deux systèmes. Non. Ça, ce n'est pas de superminal. Ni si j'ai seulement un seul côté. Il n'y a pas d'autres vaisseaux qui vont arriver vers cette part. Donc, si je coupe ici, c'est bon. Il n'y a plus de vaisseaux. C'est ça? Entre guillemets, c'est quoi? Tout simplement une vascularisation de type terminal. Parce qu'il n'y a pas d'anastomose. Par contre, au niveau des os, vous avez la vascularisation médulaire qui vient de l'artère nourricière. Vous avez les artères métaphysaires qui vont donner des artères au niveau des insertions musculaires. Et il y a la vascularisation périostée. Vous avez trois types de vascularisation au niveau de l'os. Entre les artères métaphysaires et les artères périostées et l'artère nourricière qui va donner l'artère médulaire, il y a des petites anastomoses. Donc, ce n'est pas une vascularisation de type terminal. Si on fait une coupe au niveau de transversale au niveau des anneaux, on a dit le canal médulaire. Les vaisseaux médulaires sont responsables de la vascularisation de du tiers interne de la cortique. Vous n'avez pas compris. Cette coupe transversale au niveau des anneaux. Vous voyez cette ici. Le tiers interne. Il est vascularisé par les vaisseaux médulaires. Les deux tiers externes, c'est les artères périostées et les artères métaphysiques. C'est bon, vous avez compris? Oui. D'accord. Les épiphyses. Épiphyses, et chez l'enfant, on parle de cartilage de conjonctivite. Cartilage de conjonctivite. Est-ce que l'épiphyse se résume à un cartilage de conjonctivite? Oui. Communication. Oui. On parle de chondroépiphyse. C'est pas seulement le cartilage. Parce que du fait que l'épiphyse est presque entièrement cartilagineuse, on parle de chondroépiphyse. Ça, c'est chez l'enfant. Restons chez l'adulte. Donc, les épiphyses, elles sont formées d'os spongieux qui est couvert, et elles sont recouvertes de cartilage articulaire, non pas de cartilage de conjugaison ou de cartilage de croissance. La surface articulaire. Vous avez ce qu'on appelle le cartilage articulaire, ce n'est pas le cartilage de croissance. Après les épiphyses, vient quoi? Métaphyse. Entre les deux? Entre les deux? Il n'y a rien? D'accord. Puisqu'on est chez l'adulte, il n'y a rien. Par contre, chez l'enfant, il y a le cartilage de croissance. Donc, les métaphyses également, qui, à la jonction diaphyse-épiphyse, donc une jonction intermédiaire. Elles sont formées de spongieux. En général, elles consolident très bien. Le cartilage de croissance, il est responsable de la croissance en longueur des os longs. Par contre, la croissance en largeur, elle est assurée par quoi? Par le périostre. Ça, c'est chez l'enfant. Chez l'adulte, il n'y a plus de croissance. Ni en largeur, ni en longueur. D'accord. Ce cartilage de conjugaison, à la radio, il apparaît sous forme de une clarté, une ligne noire. Il ne doit pas être confondu avec un trait de fracture. Vous allez le voir par la suite dans les généralités, les traumatismes pédiatriques. Le périostre, c'est une membrane qui va couvrir l'os. Elle est facile à décoller chez l'enfant. Chez l'enfant, elle est très épaisse. C'est pour ça, ça explique que l'enfant, les fractures de l'enfant consolident plus rapidement et mieux que chez l'adulte. Avec l'âge, ce périostre devient plus ou moins fin. Il assure la croissance en large. Ça, c'est un exemple d'une coupe chez un fœtus. Vous avez en bas le périostre à la périphérie qui va se continuer par la virole chylicombrale. Et enfin, vous avez en horizontal, c'est le cartilage de croissance. Et vous avez l'épiphyse. Bien, et tout ça, avec l'épiphyse, avec le noyau d'ossification. Ça, c'est l'enfant. Donc, on parle de chondroépiphyse. Cette chondroépiphyse, le cartilage de croissance, il apparaît sous forme d'une clarté. Vous avez le noyau épiphysaire, on parle de noyau épiphysaire, parce que c'est la zone ossifiée. Mais ce n'est pas seulement ce noyau qui présente, ou la représente l'épiphyse. Il y a une partie cartilagineuse qui n'est pas ossifiée, qui sera visible sur quoi? Sur sur l'IR. Elle n'est pas visible ni sur le scanner, ni sur la radiographie standard. Elle est visible sur l'IR, ce que vous voyez à gauche, à droite, selon votre droite. Donc, l'IR permet de voir toute l'épiphyse. Donc, vous avez dit que c'est une fracture, c'est une solution de continuité. Cette solution de continuité, elle va de la simple fissure, une petite image, disons, entre guillemets, en cheveux, sur la radio, jusqu'à une fracture très comminutive, très déplacée. On distingue les fractures fermées et les fractures ouvertes. Pourquoi ? Du fait du risque infectieux, du fait des délabrements des parties molles. Parce que pour qu'il y ait une ouverture cutanée, ça sous-entend qu'il y ait des lésions des parties molles, des lésions des muscles. Donc c'est sûr qu'il y a ce qu'on appelle un dépériostase de l'os. Donc décollement du pullulos avec un abîmement de la vascularisation. Donc le risque de surinfection est très important. Et le risque de pseudarthrose, de la non-consolidation dans les délais, il est important parce que la vascularisation a été perturbée. Pour les étiologies des fractures, vous avez souvent ces fractures traumatiques. Ça, c'est le premier type de fracture, ce qu'on appelle les fractures traumatiques. Il y a les fractures pathologiques. Donc, ces fractures pathologique, ça sous-entend un terme particulier, qu'il soit tumoral, infectieux ou bien ostéoporotique. C'est ce qu'on appelle les fractures spontanées. Fractures spontanées. Oui, ça peut arriver, les fractures spontanées. Mais toujours, il y a un terrain sous-jacent. D'accord, c'est pas bon, pour un traumatisme minime, on peut avoir une fracture, ce qui n'est pas le cas chez un sujet qui est tout à fait normal. Donc on parle de fracture pathologique. Pour les mécanismes des fractures traumatiques, vous pouvez avoir un traumatisme direct, c'est-à-dire un choc direct. Soit, par exemple, un objet contondant, par exemple, c'est le sujet qui se défend par l'avant-bras. Il va avoir un coup de bâton, il va recevoir un coup de bâton, c'est un réflexe, il va se défendre en opposant l'avant-bras, et en général, ça donne des fractures de quoi ? De l'une, puisque quand ça prend cette position, c'est l'une-là qui vient en première position. Sauf si le traumatisme est tellement violent qu'il va fracturer les deux autres. Et dans ce cas, c'est sûr, il va donner des fractures ouvertes. Donc, vous avez les traumatismes directs. Ou bien une chute directe sur la zone qui va se fracturer. Ça, ce qu'on appelle les traumatismes ou bien les mécanismes directs. Par exemple, lors des accidents de ski, une chute directe sur le genou, en flexion. Ça peut donner une fracture. Quelle fracture ? Rotule. D'abord, fracture de rotule. Les accidents, par exemple, ce qu'on appelle le choc au tableau de bord. Le syndrome du tableau de bord. Donc, directement, le choc sur la face antérieure du genou. Il peut donner une fracture de rotule, du plateau tibial, de l'extérieur fémur, du cotyle. Ça dépend de la position de l'articulation. Dans l'articulation, elle est dans quelle position? De quelle rotation? La rotation interne, la rotation. Mais ça reste un mécanisme direct. D'accord? Le deuxième mécanisme, c'est ce qu'on appelle le mécanisme indirect ou bien le traumatisme par torsion. Donc, vous n'avez pas le traumatisme qui va s'appliquer directement sur la zone qui va se fracturer. Par exemple, vous avez une torsion. Donc, le pied bloqué et le corps qui tourne. On va avoir une fracture à trait sphéroïdale. Donc, du fait de la rotation. Donc, si on prend les fractures de jambes, vous avez les fractures par choc direct ou bien mécanique direct, ça donne en général des traumatismes à trait transversal, qui est en regard de la jambe traumatisante, en regard du lieu du traumatisme, de là du point d'attaque. Par contre, si vous avez une fracture par torsion, le trait de fracture va siéger loin de la zone, parce que si mon pied est bloqué, et le corps va tourner et je chute. Premièrement, le trait de fracture sera un trait spéroïdal du fait de la torsion. Et, par exemple, je n'aurai pas les deux os de la jambe, le trait de fracture ne siège pas au même niveau. Parce que si j'ai, par exemple, une fracture de tibia, le trait va se continuer sur la membrane interosseuse pour arriver au péroné. Donc, dans ce cas, je vais avoir, par exemple, le trait au niveau du tibia qui est bas, alors que le trait au niveau du péroné, il est plus haut, du fait de la torsion. Ce n'est pas le même niveau. D'accord ? Est-ce que vous avez des questions avant de qu'on continue ? Non, vous avez compris ça. Il y a ce qu'on appelle également les fractures de fatigue. Ça, c'est fréquent au niveau des... Par exemple, au niveau des métatarsiens, pour les gens qui marchent beaucoup. Ça, c'est des microtraumatismes qui se finissent par aboutir à un trait de fracture, un authentique trait de fracture. Et il y a ce qu'on appelle également des fractures de fatigue au niveau du col fémoral. Donc, des zones qui sont mises en tension. C'est pas très fréquent. Les traits de fracture. Donc, quand on parle en orthopédie d'une fracture, elle a des caractéristiques. Elle a, si je dis pour simplifier, elle a une fiche qu'on ait le même langage, qu'on ait la même compréhension. Il y a une description. Si je parle par exemple de fracture, donc je suis obligé de parler du trait. De quel type? Je suis obligé de parler de sa direction, de son siège. D'accord? Ça, c'est pour le trait. Avant de parler du déplacement, je vais dire, je ne vais pas voir la radio par exemple. Vous n'êtes pas, disons que vous n'êtes pas en train de voir la radio. Quand je dis par exemple, j'ai une fracture à trait transversal, vous aurez tous la même notion, donc un trait transversal. Le deuxième type de trait, c'est par exemple le trait oblique. Oblique, on parle d'oblique si l'angle fait avec l'horizontal à peu près de 30 degrés. S'il est supérieur à 30 degrés, on n'est plus dans l'oblique, on est dans le spiroïde. D'accord. On va y revenir. Par exemple, ici, le trait spéroïdal. Donc, si vous tracez l'angle que fait le trait de fracture à peu près avec l'horizontale, c'est supérieur à 30 degrés, on parle de trait spéroïdal. Le trait oblique au spéroïde, vous avez les fractures comminutives. Donc, c'est un fracas. Donc, fracture comminutive. Vous avez les fractures complexes. Revenons au trait transversal, on va voir par la suite les autres. En général, le trait, les fractures à trait transversal sont secondaires à un mécanisme direct. D'accord. Et quand on parle d'un mécanisme direct dans ces fractures, souvent, il y a une lésion des parties molles, soit une contusion des parties molles ou une ouverture. D'accord. Vous voyez qu'on a mis enfin une fracture stable. C'est quoi une fracture stable? C'est quoi une fracture instable? Sans déplacement. Sans déplacement. Il ne va pas s'aggraver. Il ne va pas s'aggraver. Hein? Non. On parle de fracture stable et instable. Non, ce n'est pas par rapport à la consolidation. C'est par rapport à l'orthopédie, il y a la notion de stabilité. C'est-à-dire, donc, on dit d'une fracture qu'elle est stable, c'est une fracture qui a de grandes chances de ne pas se déplacer après réduction. Après réduction. Quel est l'intérêt de parler de fracture stable alors que si elle n'est pas réduite, ça ne change rien. D'accord? Une fracture stable, c'est une fracture qui va pas, on ne va pas dire qu'elle ne va pas se déplacer, mais majoritairement, elle ne va pas se déplacer. Elle a de grandes chances de ne pas se déplacer si on la réduit. Par contre, une fracture instable, par exemple, une fracture comme celle-là, à droite, fracture de jambe à 13 péroïdale, c'est une fracture qui est éminemment instable. Parce que le trait de fracture est fait comme ça. Si je le tue, elle va se déplacer. Ce n'est pas comme une fracture transversale. Ce n'est pas la même idée. Selon le trait de fracture. Est-ce que vous avez compris la notion de stabilité? Oui. C'est quoi une fracture stable? C'est quoi une fracture instable? Est-ce qu'une fracture comminutive, c'est une fracture stable ou instable? Instable. Stable ou instable? C'est hein? Une fracture commutative. Ça, c'est l'exemple d'une fracture commutative. C'est une fracture à plusieurs traits, à plusieurs fragments. Pourquoi elle est instable? Donc, elle a de grandes chances de se déplacer, elle va se déplacer. D'accord. Les fractures communicatives comme celle de jambes, celle-là, également, elles sont souvent accompagnées de lésions de parties molles. Et cette fracture communicative, elle témoigne d'une chose, elle témoigne de la vélocité du traumatisme. C'est des traumatismes à haute énergie. Ce n'est pas une simple une chute de sa propre hauteur qui va donner cette fracture comminutive. D'accord? En général, c'est des traumatismes à haute énergie, c'est des chutes des lieux très élevés, c'est des accidents de la voie publique, c'est des accidents de la circulation. D'abord, c'est quoi la différence entre un accident de la voie publique et un accident de circulation? Donc, de la voie publique, c'est que ça se joue pas. Il n'est pas contre un véhicule, c'est pas une voiture seulement. Un camion, un car, un bus, une moto. D'accord? Donc, ce traumatisme en général s'accompagne de lésions des parties molles. Et dans ce traumatisme, donc, le problème orthopédique, il peut passer au second plan. Parce que vous pouvez avoir des lésions qui menacent le pronostic vital, notamment les lésions crâniennes, les lésions thoraciques et abdominales. D'abord, d'accord. Ça, c'est un autre fait, parce que parfois, on voit d'un certain de nos confrères, une fois qu'ils voient une fracture, ils se focalisent sur la fracture et oublient le reste du le malade. Il a une fracture ouverte, il a une fracture comminutive, il a le droit de faire un traumatisme abdominal associé, il a le droit de faire une plaie hépatique, une plaie splénique, un trauma crânien. Donc, avant de se laver entre guillemets, les mains du malade et dire « Oh, c'est un malade qui a une fracture, il faut l'envoyer à l'orthopédie ou bien l'adresser à l'orthopédiste. » On doit d'abord éliminer une urgence qui peut mettre en jeu le pronostic vital. Les fractures à double étage ou bien les fractures bifocales. Bifocales. Double foyer. C'est quoi les fractures bifocales, ce sont des fractures dans lesquelles on trouve au moins deux traits de fractures qui sont grossièrement parallèles, pas forcément, hein, isolent un fragment de cylindre. D'accord. Si par exemple j'ai une fracture qui va s'amener un peu, je ne sais pas si donc, c'est quoi une fracture bifocale? C'est une fracture avec deux traits qui sont plus ou moins parallèles, qui va isoler un fragment de cylindre. D'accord. Pourquoi on insiste sur ces fractures bifocales? Cela est dû à la précarité de vascularisation en cas de ces fractures. On va le voir dans le cours des fractures ouvertes de joint. Mais avec un schéma qui va montrer les types de les différents types de vascularisation. Si on parle de fracture bifocale, cela sous-entend qu'on est sur le même os. D'accord? On ne peut pas, par exemple, on reçoit par exemple certains de nos confrères de certains lèvres et ils te disent fracture à double étage au niveau de l'avant-bras. Alors que c'est une fracture de l'avant-bras. Les deux os de l'avant-bras, une fracture de l'une main, une fracture de radius, ce n'est pas une fracture à double étage, ce n'est pas une fracture bifocale, c'est tout simplement une fracture des deux os de l'avant-bras. On peut avoir le trait de fracture qui est différent par rapport à sur la longueur de l'os, mais c'est une fracture de. Quand on parle de fracture bifocale, bien sûr, il faut qu'il sera le même os. D'accord. Monsieur, d'après quel nombre, d'après comparer, après, vous avez plusieurs fragments qui sont détachés. Le blanc à l'image. Celle du tibia. Tu ne peux pas. Premièrement, tu n'as pas un fragment de cylindre qui est intact. Un fragment intermédiaire entre les deux proximales et distales. Donc, plusieurs fragments, c'est une fracture cognitive. Ici, l'extrémité inférieure du fémur, celle à gauche. Également, c'est une fracture cognitive, une fracture complexe, comme vous voulez. Il n'y a pas seulement un ou deux fragments, mais plusieurs fragments. Revenons à la fracture bifocale. Pourquoi on insiste sur cette fracture bifocale? Parce que si vous prenez par exemple ici le tibia, le fragment intermédiaire. Premièrement, la vascularisation endomédulaire, elle est ample. Du fait du trait de fracture proximale. D'accord? L'anastomose entre la vascularisation du fragment intermédiaire et la métaphyse inférieure, elle est rompue du fait du trait inférieur. Tout simplement, pour ce fragment, il ne reste que la vascularisation périostée. Sachant que chez l'adulte, cette vascularisation périostée, elle n'est pas très efficace. Donc le risque de pseudarthrose dans ces fractures bifocales, il est très important parce que la vascularisation, la nutrition est très perturbée. D'accord? On va y revenir dans les fractures ouvertes de jambe dans l'autre cours. Une fracture engrainée. On parle d'engrainement de fractures essentiellement dans trois situations. La première, c'est celle des fractures du col fémoral. La deuxième, c'est celle de l'extrémité supérieure de l'humérus. Et la troisième, c'est celle de l'extrémité inférieure du radius. C'est les principaux zones où vous allez entendre beaucoup de fractures engrainées ou bien non engrainées. Qu'est-ce que ça veut dire? Une fracture engrainée, c'est l'impaction d'un fragment dans l'autre. Et pour pour qu'il y ait cette impaction, il faut que cette zone soit de l'os. On ne peut pas avoir une fracture engrainée impactée sur une diaphyse. C'est en général. Donc les trois régions que j'ai citées, c'est des zones métaphyso-épiphysaires. L'extrémité supérieure du humérus, l'extrémité inférieure du radius et l'extrémité supérieure du fémur, notamment les fractures du col fémoral. Donc c'est une zone qui va sera impactée et va pénétrer dans l'os. Du fait que le spongeux, est-ce que vous connaissez c'est quoi l'aspect du spongeux macroscopiquement? Ça ressemble à quoi? Des gruyères. L'éponge. Ah, une éponge. Donc vous avez avec des trous, avec... ça risque de se passer. C'est pour ça qu'on peut avoir des fractures engrainées. Le risque de ces fractures engrainées, c'est qu'elles risquent de se déplacer. Ce n'est pas des fractures stables. Initialement, on dit qu'elles sont plus ou moins stables, mais avec un risque de déplacement secondaire. On passe au nord. Non? On continue ou non? Est-ce que vous avez des questions? Non. Fracture par compression. C'est quoi une fracture par compression? Tassement. Tassement, tassement. C'est quoi un tassement? Tassement est toujours. Ils disent que pas forcément. Je peux avoir un tassement au niveau de métaphyse, de l'extrémité supérieure de tibia, fracture avec un tassement. C'est un mécanisme en compression axiale. Axiale qui va se manifester par un tassement, une impaction de l'os spongieux. On peut avoir ces fractures à compression essentiellement au niveau du rachis, donc parce que le rachis, on a dit, les vertèbres, c'est des os spongieux, du spongieux couvert de l'os cortical. Donc, une fois cassé, on peut avoir un tassement de cet os spongieux. Prenons l'exemple de ces fractures, par exemple, ici. C'est une fracture par compression, c'est un tassement. Il va toucher quelle partie? La partie antérieure du corps vertébral. Parce que la partie postérieure, on a ce qu'on appelle l'arc postérieur, qui fait par les pédicules, les lames, qui sont de l'os cortical, qui sont résistants. Donc, dans ce type-là, on va avoir un tassement antérieur. Les fractures arrachement des apophyses. Apophyses. Ça, normalement, ça fait partie des particularités de l'enfant. Parce que, quand on parle essentiellement de l'enfant, parce qu'on peut les avoir chez l'adulte, c'est les zones où s'insèrent les tendons. Vous avez par exemple. Le petit trochanter, l'image en jaune haut, donc l'insertion du muscle psoas-iliac. On peut avoir un arrachement du muscle. Vous avez l'autre point, c'est le grand trochanter également. L'insertion du muscle, quel muscle? Le muscle moyen fessier. Il peut, sur une contraction brutale, arracher le grand trochanter. L'autre muscle qu'on peut avoir, c'est vous, au niveau du genou, c'est quel tendon? Le quadriceps. Qui va se continuer par quoi? La rotule, et par la suite? Par le tibial antérieur. Le tendon tibial, antérieur. Le tendon rotulaire plutôt, qui va s'insérer sur la tibulosité tibiale antérieure. Donc on peut avoir, suite à une contraction brutale du quadriceps, sur un membre contrarié, on peut avoir un arrachement de la tibialosité tibiale antérieure. L'image en bas. Les autres points possibles, c'est l'épitroclée, on dit chez l'enfant, du fait des muscles épitrocléens. La base du cinquième métatarsien, sous l'effet des muscles des tendons péroniers. Le traitement, il peut être chirurgical, majoritairement, mais on peut faire un traitement orthopédique. Ça dépend de quel type de fracture, de la localisation également. Parce que celle de petite orthopédique, parfois, on fait un simple repos au lit avec hanche en flexion. Celle du moins fessier, du grand orthopédique, il faut faire un traitement chirurgical, parce que c'est un muscle très puissant, donc il va se rétracter. Il va amener avec lui le grand orthopédique. On ne peut pas avoir de consolidation, il faut avoir un traitement chirurgical. Également, le tendon rotulien, parce que le puissant quadriceps va tirer, il faut traiter chirurgicalement. Par contre, celle de l'épitrochée du 5e métatarsien, celle du 5e métatarsien, on la traite rarement chirurgicalement. L'épitrochée, ça dépend de l'importance du fragment et de l'importance du déplacement. Rien serrer le fragment. Parce que le tendon, il va amener avec lui une pastille osseuse. Pourquoi il n'y a pas de fracture? Pourquoi il n'y a pas de fracture? Ici, le petit tendon est arraché. Pourquoi il n'y a pas de fracture? Ici, le gros tendon est arraché. Ça, parce que ce n'est pas un trait de fracture. D'accord? Il y a un trait de fracture. Donc, parce que pour le malade de disons, c'est mieux qu'il aille une belle petite. Arrachement, il y a une rupture. Parce que le traitement, ce n'est pas le même, c'est difficile. Avec une rupture, on meule tout le ligament. Par contre, si on a un arrachement, on peut le stabiliser facilement et le mettre en place et le fixer. Déplacement des fractures. Quels sont les déplacements que vous connaissiez des fractures? Je ne connais pas. Vous ne connaissez rien. Comme ça. C'est réglé. En orthopédie, il y a des choses. Quand on parle de déplacement. Oui. Je parle par exemple, je veux dire qu'il y a une translation. Je veux l'image à gauche, il y a ce qu'on appelle une translation. C'est quoi une translation? C'est un déplacement dans le sens horizontal. Donc un fragment qui va se déplacer par rapport à l'autre. En bas, c'est la malléole interne. Normalement. D'accord. Ici, est-ce que c'est une translation interne ou bien une translation externe? À gauche. Sur l'image du tibia. Par rapport à la partie proximale ou distale? Interne. Ici. Ça, c'est l'interne. Ça, c'est l'externe. Si je parle de translation, ce que j'ai dit, c'est une translation interne. Bien une translation externe. Interne. Pourquoi interne, pourquoi externe? Pour argumenter. Par rapport à quoi? L'axe de l'os. L'axe de l'os. Par rapport à l'axe de l'os. Qui dit mieux? Translation interne ou externe? Interne. Pourquoi interne? Quelle est la référence? Quel est le repère? La maillot. La maillot par rapport à quoi? Par rapport à la place. Donc je n'arrive pas à le classer. Voilà. L'axe c'est quoi? Par rapport à l'axe, l'axe de quoi? Le segment. Et l'axe du segment, c'est lequel? L'axe de squelette. C'est quoi la partie qui n'est pas déplacée? C'est le fragment proximal, c'est pas l'axe. D'accord? Je parle de déplacement du fragment distal par rapport au proximal. Si je dis une translation interne, cela veut dire que le fragment distal est translaté en interne par rapport au fragment proximal. D'accord? Si je dis qu'il y a une translation, par exemple, postérieure, cela veut dire que le fragment distal est parti en postérieur par rapport au fragment proximal. C'est tout. D'accord? Vous n'êtes pas d'accord? Je n'ai pas compris, monsieur. Vous n'avez pas compris. Quand on parle de déplacement, il faut déplacement par rapport à quoi? En orthopédie, par convention, si on parle d'un déplacement, on va toujours classer le fragment distal par rapport au fragment proximal. Vous voulez dire le distal et le proximal? Proximal. Il va être le distal, il va être interne, il va être le distal. Non. Par rapport au proximal. On ne peut pas, par exemple, le fragment proximal est en place. Il est en continuité avec ce qu'elle disait, l'axe, disons, de Guillaume. Donc je vais dire, le fragment distal est déplacé par rapport à ça, par rapport au fragment proximal. C'est un rapport interne ou externe? Interne ou externe. Tu as un malade qui a une fracture de jambe. Le pied est parti en même temps comme ça, avec le fragment qui est parti en même temps. On va dire qu'il a une translation interne parce que le fragment distal est parti en interne par rapport au reste du corps. La position anatomique, par rapport à la position anatomique. Vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris la fracture par compression. Je n'ai pas compris votre question. Il vous a dit déplacement par compression. Déplacement par compression. Non. Par Ça, c'est un direct. D'accord. Ça, c'est, disons, l'externe, ça, c'est l'interne. J'ai le fragment distal. Il va partir de ce côté transversal. J'ai le fragment qui va partir de ce pourquoi est-ce que par rapport à ça. Bon, toujours le fragment. On se le fait au fragment proximal. C'est bon. Vous n'avez pas compris, hein? Le deuxième, ça c'est la translation. Le deuxième déplacement possible, c'est ce qu'on appelle le chevauchement. Donc c'est un déplacement dans le sens longitudinal. D'accord. Ça doit vraiment servir. Bonjour. Vous avez c'est ça la fracture. D'accord. On aura un chevauchement s'il y a un déplacement dans ce sens. Il va se manifester uniquement par quoi? Fracture ouverte. Par un raccourcissement du segment. Parce que il y a un chevauchement des deux fragments. C'est bon? Oui. Donc, complet, est-ce que je peux avoir l'association d'un chevauchement et d'une translation? Oui. Dans une fracture transversale. Un trait transversal. Non. Oui ou non? Au début, oui. Qui dit oui? Argument, qui dit non? Argument. Oui, parce qu'au début, ça sera une translation et puis chevauchement. Au début, ça sera une translation sur le plan vertical. Et puis, il y aura un chevauchement. Je ne peux avoir de chevauchement. Dans une fracture à trait transversal, je ne peux avoir de chevauchement que si la translation elle est complète. Oui. Par contre, dans les fractures à trait oblique, ou bien spéroïdal. Ces deux chevauchements, le chevauchement et la translation sont toujours associés. Sauf si la fracture n'est pas déplacée. S'il y a un déplacement, il y a toujours un chevauchement, une translation. Parce que du fait que le trait est oblique, il y a le cisaillement et la translation des deux fragments. C'est bon? L'ongulation. Donc, les deux fragments, l'axe des deux fragments, on a un angle. Soit un angle aigu. Donc, c'est un membre plié. Non. Cet angle peut être ouvert en dedans, en dehors, en arrière ou en avant. Donc, ce qu'on appelle. On peut avoir un valgus, un varus, un flexum, un récurvateur. Si cet angle, par exemple, ça c'est la face. D'accord? Donc c'est un angle ouvert en dehors, c'est un valgus. D'accord? Si l'angle formé par les deux fragments, il est ouvert en dehors, c'est un valgus. Si l'angle formé entre les deux fragments est ouvert en dedans, c'est un valgus. Si l'angle est ouvert vers l'avant, c'est un récurvatant. Récure. S'il est ouvert en arrière, en postérieur, c'est un flexant, en flexant, en flexion. Je passe pas. Le décalage ou la rotation. Ça, c'est le quatrième. Déplacement. Simplement, il y a un fragment qui a tourné plus tôt. Donc, vous pouvez avoir un fragment qui est vu de face et l'autre qui est vu de profil. Prenons l'exemple d'une fracture de jambe toujours. On peut avoir les deux fragments qui sont vus de face. Donc, on voit normalement le tibia péroné, Mais je peux avoir un fragment, le fragment par exemple proxime est vu de face, alors que le fragment distal est vu de profil, du fait que le pied est tombé en rotation externe. C'est clair ou non? Non. Vous avez une fracture, par exemple. Imaginez que vous aviez un patient avec une fracture de jambe, de fémur, n'importe quel essentiel sur le segment du membre. Alors, il y a des attitudes antagiennes. Donc, le malade en général, il va se placer en rotation externe. Le pied va reposer sur la table ou sur les roues. Parfois, du fait de ce déplacement, le malade est de face, alors que le fragment distal est de côté. En fait, la rotation, elle se fait au niveau du trait de fracture. Tout simplement. On peut avoir le fragment proximal qui est vu de face, alors que le fragment distal est de côté. On voit cliniquement, on va le voir radiologiquement. C'est bon? Ça, c'est clair quand il y a deux. On est sur un segment où il y a deux os. Par exemple, au niveau de la jambe, au niveau de l'avant-bras, on a deux os. Donc, on peut dire que ce segment il est vu de face, ce segment il est vu de profil. Parce que si j'ai la superposition de tibia et de la fibula, je peux dire que c'est une vue de profil. C'est clair? Clair? Ben, alors, quand on est devant un segment, un os long, un mur, un muscle, il y a un seul comment je vais savoir qu'il y a une rotation ou non. J'ai l'image de la vue du segment distal qui me parlait de face. Et le fragment proximal. Quelle est la question? Parfait. Soyez bienvenue. Moi, c'est profil, la radio. C'est ça. C'est pour apprécier le déplacement en rotation bien en décalage sur les os où il y a un seul segment d'os. Il faut avoir sur le même fichier les articulations sus et sous-bassin. Il faut apprécier est-ce qu'il y a une rotation ou non. Parce que si je reviens par exemple à l'image précédente, celle où on a le fémur, c'est si j'ai une radio comme ça, dans l'entrée, l'articulation de la hanche, l'articulation du genou, je veux dire s'il y a une rotation ou non. Par contre, si j'ai comme ça, donc j'ai pas la hanche et j'ai pas le genou, je ne peux pas dire est-ce qu'il y a une rotation ou non. J'ai une seule articulation. Je ne peux pas dire. Parce que le fragment peut être en rotation. Évolution d'une fracture, donc la consolidation. C'est quoi une consolidation? Rétablissement de la continuité de l'os. C'est valable. Ensuite, une autre définition. Cicatrisation. C'est tout simplement c'est la cicatrisation de l'os. Pourquoi on insiste sur le mot cicatrisation? C'est pour dire que l'os, c'est un organe vivant. Ce n'est pas un organe mort. Ce n'est pas de la pierre. C'est un organe vivant qui va cicatriser. Il y a des mécanismes physiopathologiques spécifiques à l'os. Ça reste un organe vivant. Un organe qui joue un rôle très important. Un organe endocrinien. Vous ne connaissez pas, oui. Donc, C'est un organe qui va cicatriser. Mais pour avoir une cicatrisation, il faut qu'il y ait certaines conditions. D'accord ? On parle de conditions biologiques et de conditions mécaniques. Les conditions mécaniques, ça se résume tout simplement. C'est le contact entre les deux fragments. Parce que si vous avez un fragment très déplacé, le risque de consolidation, oui, surtout chez l'adulte. Chez l'enfant, en général, il consolide. Il est rare que l'enfant, les fractures d'enfant ne consolident pas. Si chez un enfant, on a une fracture qui ne consolide pas, probablement, il faut penser à ce qu'on appelle, non pas le rachitisme, parce que le rachitisme doit se consolider. Il est peut-être osteoporotique, il est recourbé, il est... Mais c'est un os qui est consolide. Si une fracture chez l'enfant ne consolide pas, il faut beaucoup plus penser au terrain de ce qu'on appelle les pseudarthroses congénitales. C'est une entité à part, il faut pas la mentionner sur les autres. Parce que pour avoir une... Il y a... Si... Parce qu'en général, la fracture chez l'enfant, si elle évolue naturellement, elle consolide. Bien sûr, sans l'intervention de l'être humain. S'il y a eu l'intervention de l'être humain, surtout la chirurgie, c'est un autre terrain. Mais une fracture qui n'a pas été opérée, en général, chez l'enfant, ça se consolide. Donc, il peut consolider un calvitieux, c'est-à-dire une mauvaise position, et il va consolider. Mais s'il ne consolide pas, il faut se poser des questions. Cette consolidation va passer par plusieurs étapes. Et l'élément clé dans cette consolidation, c'est la vascularisation. Si un segment est bien vascularisé, il va bien consolider. Si la vascularisation elle est précaire, la consolidation elle sera lente. D'accord ? Et dans cette consolidation, l'élément clé, c'est ce qu'on appelle l'hématome fracturaire ou bien l'hématome périfracturaire. Donc, cet hématome qui va s'organiser par la suite et donner ce qu'on appelle le calme osseux. L'hématome, c'est pour ça qu'il y a certains traitements chirurgicaux qui ont comme complication un taux très élevé de pseudarthrose. Pourquoi ? Parce que premièrement, pour faire ces traitements chirurgicaux, on est obligé d'ouvrir ce qu'on appelle le faille de fracture. Donc, pour réduire, on va évacuer l'hématome fracturant. On est obligé de dépériostrer, de décoller en plus le périostre pour mettre le matériel de synthèse. Ça aggrave la dévascularisation. Il augmente le risque de pseudarthrose. Donc, cet hématome fracturant ou bien périfracturant, il joue un rôle très important dans la consolidation. Il va passer par trois étapes. La première étape, c'est la réaction inflammatoire qui va aller de G1 à J20. La deuxième étape, c'est le calme conjonctif. Donc, cet hématome va se transformer en calme conjonctif entre J20 et J30. Et le troisième stade, c'est l'ossification du calme. Donc, il va y avoir la fixation des éléments minéraux sur ce calme. Ça, c'est le troisième étape. Il reste la dernière étape, c'est ce qu'on appelle l'étape de remodelage. Donc, le remodelage, c'est entre guillemets la structure de la forme de l'os. Donc, vous avez une fracture qui va consolider, par exemple, une fracture diaphysiale. Au début, on aura un canal médulaire qui est obturé. C'est le remodelage. On va avoir grossièrement la forme de l'os avec la reperméabilisation du canal médulaire. Ça, c'est un exemple de caille. Et en cas de fracture, par exemple, des os, on parle de ce qu'on appelle le calme périphérique ou le calme périostèque. Parce que la consolidation, elle peut se faire à travers un calme périphérique, c'est-à-dire de la périphérie vers l'intérieur, ce qu'on appelle le calme périostèque, et il y a ce qu'on appelle le calme endostèque, c'est-à-dire une consolidation de l'intérieur vers l'extérieur. Cette vascularisation endostèque, cette consolidation endostèque, on la retrouve essentiellement au niveau des fractures du col fémoral. Parce qu'au niveau du col fémoral, il n'y a pas de périostèque. Ça, c'est chez l'adulte. Donc, la vascularisation, elle est lente. Par contre, au niveau des os, c'est une vascularisation qui est une consolidation plutôt, qui est mixte périphérique et endostale. Donc, périostée et endostale. C'est pour ça qu'elle donne cette image de calme hypertrophique. Quels sont les facteurs qui vont influencer la consolidation? D'abord, c'est l'os concerné par la fracture, parce que l'os spongieux et l'os plat consolident plus rapidement que l'os cortical. Ça, c'est le premier point, parce que l'os spongieux consolide en général en 6 semaines. L'os cortical en 9 à 18 semaines, voire plus. Donc, il y a une différence dans les délais. Le type avec l'âge, parce que vous avez par exemple un bébé, un nouveau-né ou un nourrisson, ce n'est pas la même vitesse de consolidation qu'un sujet adulte, qu'un vieillard. D'accord? Parce que, par exemple, vous prenez une fracture de la diaphyse fémorale chez l'adulte, en général, c'est aux alentours de 6 mois. Chez l'enfant, disons en âge préscolaire, c'est très rapide. Il y a même des études qui ont fait des publications, des immobilisations de 12 à 29 jours. C'est très rapide. D'accord? Donc, selon l'âge, ce n'est pas la même vitesse. L'autre facteur qui va influencer la consolidation, c'est la mauvaise contention. Si la fracture n'est pas bien contenue, n'est pas bien immobilisée, il va persister un mouvement entre les deux fragments. On ne peut pas avoir bien, on va retarder la consolidation parce que le pont entre les deux fragments, il va être à chaque fois rompu. L'autre facteur, c'est l'écartement entre les deux fragments. Si vous avez par exemple deux fragments de l'os qui sont séparés par deux muscles, ça c'est parmi les causes de la non-réductibilité des fractures, donc fracture qui ne se réduit pas, impossible d'arriver, ou bien qui paraît parfois, on a l'apparence à la radiologie, si on n'ouvre pas à foyer fermé, c'est par manipulation, etc. On a l'impression à la radiologie que la fracture est réduite. C'est par la suite qu'on va découvrir, suite à une pseudarthrose, on va ouvrir pour traiter cette pseudarthrose, on va retrouver une interposition musculaire, par exemple. Donc, s'il y a des parties molles qui vont s'interposer entre les deux fragments, le risque de pseudarthrose est important. La consolidation, elle peut être perturbée par l'infection. D'accord? Parce que si vous avez une infection, la vascularisation, elle va être perturbée. On peut avoir du liquide, la nécrose, tout ça va perturber la consolidation et la retarder. Vascularisation diminue ou supprimée. Par exemple, dans les fractures du col, il y a les fractures du scaphoïde. Est-ce que vous avez des questions?